Il vous contera son histoire, qui est fort intéressante. Allez vite chercher votre perroquet, dit Roustan. Il m'amusera jusqu'à ce que je puisse me rendormir. Il est chez ma sœur, la religieuse, dit Topaz. Je vais le chercher. Vous en serez content. Sa mémoire est fidèle. Il compte simplement, sans chercher à montrer de l'esprit à tout propos et sans faire des phrases. Tant mieux, dit Roustan. Voilà comme j'aime les contes. On lui amena le perroquet, lequel parla ainsi. Note. Mademoiselle Catherine Vadé n'a jamais pu trouver l'histoire du perroquet dans le portefeuille de feu son cousin Antoine Vadé, auteur de ce conte. C'est grand dommage, vu le temps auquel vivait ce perroquet.